Cherche, vieux singe, cherche. Cherche sans chercher. Crève le tambour molle de la torpeur. Creuse le ventre dur des fournaises. Cherche ici où tout s'effondre. Cherche là où tout se tait. Regarde sans ciller. Ton monde n'est pas solide. Tout y tangue, tout y tremble, tout y transpire. Fais valser tes ankyloses et tangue à ton tour. Réapprends la danse ardente de l'oiseau de feu dans l'éblouissement des fleuves et le crépitement des forêts. Brise une épine de kunana et pique dans le vif. Tisse la trame d'un poème agissant, généreux, métissé, pimenté, tranchant. Retends la corde d'un poème vibrant. Tire ici toutes tes flèches et lance l'invocation victorieuse qui dit ta disparition. Que ta vie, l'or, ne soit plus qu'une chute sans filet dans l'amour, les couleurs et la beauté de ce monde. La douceur de ces paroles assourdies, de ces silences sonores. Le cercle de ces huttes pelotonnées dans un pli du fleuve. L'averse de 5 heures qui glisse en secret sur les toits de palme, la caisse claire d'une tôle. Ce sable, proprement ratissé comme un jardin de pierre et ne crissant qu'à peine. La beauté de ce lieu comme à l'abri du temps, pour 2 tankers d'essence et 3 paquets de pâtes, ce n'est pas cher payé. Le jeune Aïwen attrape un crapaud trop gros pour la casserole. Fugue fluviale, le parfum des feux rappelle à la vie nomade. Sur le terrain de foot, devenu piscine, un concours de coassement. On entend ici, très étrangement, nulle dissonance. Soudain, les convives se taisent, à cause de l'un d'eux qui a fondu en larmes. Soudain, la voiture dérape, un grand bruit et la radio continue seule. Soudain, ton regard se perd, vers quelle brume, quel ailleurs. Soudain, l'air n'arrive plus, la main cherche en vain le signal d'alarme. Soudain, les herses de ton visage tombent. La maison sombre, dans la nuit sans lune, toute lampe éteinte. La voix se brise, parce que le fou a compris qu'il se liloquait. Soudain, le silence. L'histoire s'arrête, c'est le cœur. Le cœur du récit est un chapitre aphone, fait d'ellipses, de non-dits, de souffles défaillants. Systole sans diastole, c'est le cœur. On tombe en ses douves, on s'enferme en son cachot, on se retire, on se rature, par les meurtrières, on ne guette plus. À l'étal du réel, on se sectionne, au bûcher du rien, on brûle ses os, aux 4 vents du vide, on disperse ses cendres. Dans le ventre des mots déposer la douleur, comme un germe fertile, une couronne, une stèle, un hommage à ce qui nous unit, à ce qui nous attend, à ce qui nous dépasse et nous rend humains, vraiment, vulnérables et beaux. Dans le creux des carnets, accueillir les menaces, les peurs, les cauchemars, les détours, les défaites, les déroutes, non par bravade ou pour s'en protéger, mais pour se dénuder. Naître à ce que nous sommes, humains vraiment, vulnérables et beaux. Dans le cœur de ce livre, appelé la souffrance infinie, les souffrances, il en vient de partout, de proche en proche et jusqu'au plus lointain, sous chaque pierre soulevée, aux 4 coins du monde, appelé la souffrance qui nous fait, humains vraiment, vulnérables et beaux. Dans l'obscur de la nuit, disposer la lueur d'une veilleuse, l'offrande d'un poème qui ose murmurer « Paix à vous qui dormez, paix à vous qui veillez, Je recueille en mon verbe la douleur, la menace, la souffrance et la peur, les lueurs qui nous font humains vraiment, vulnérables et beaux. Une scie, un carnet, une théière, un livre, deux boîtes de cartouches, un très gros abricot. Voilà ce que je vois sur la table encombrée, en cette heure incertaine où le soleil décline, et où, sous le manguier, parmi les feuilles mortes, silhouette esquissée dans l'esquive dorée d'un soir bien ordinaire de ma vie ordinaire, je ratisse et j'écris. C'est ici la Guyane, maison de vieux chemin. Mais le tableau soudain s'assombrit et le chat, sans motif apparent, se met à miauler et regarde la table un peu trop fixement, sentant peut-être aussi, du bout de ses moustaches, que la nuit tombe vite et qu'il n'est bientôt plus que félin de papier, écho d'un miaulement, vaine félicité. Car ce bonheur têtu qu'on a construit ici, maison de bois cernée par la forêt pluvieuse, les termites du temps en rongent les charpentes, ne laissant de l'instant que cette poudre noire, ces traces, ce terreau recueilli, déposé, en ligne de mémoire au creux de ce carnet, entre le thé, la scie, le livre, l'abricot, sur la table encombrée. D'où tu viens? Allez, où? De pays étrangers, d'un peuple de pêcheurs, de paysans, de maraîchers, d'ouvriers, d'une cohorte de petites gens courbées sous le soleil du labeur quotidien, d'un noyau de douleur, de vie gâchée, du fléau rebattu des guerres, du cercle coupant des malédictions perpétuées. D'où tu viens? Du silence cinglant des sentiments niais, de cet esprit calleux des campagnes, qui ignore la sagesse du roseau et ne croit qu'en la force du chêne, du tranchant des pierres que lançait autrefois le grand-père sur ton propre grand-père enfant, quand lui venait l'envie de redresser la tête, de la terreur de ton arrière-grand-mère jetée dans le train par sa mère à 7 ans, des portes qui claquent, de la vaisselle cassée, l'alcool et la rancœur faisant mauvais ménage. D'où tu viens? D'un sol sec, d'une terre dure, piétiné, amendé pendant 4 générations. Manolo, ton arrière-grand-père espagnol, avait choisi l'exil pour fuir la dictature ou juste pour partir. Lui rêvait d'Amérique du Sud, elle ne voyait pas si loin, ce fut la France. Ta mère héritera de son désir déçu. À la mort de son père, il fallut travailler. Il n'avait que 9 ans, la mère était sévère. Dans le nouveau pays, il attendait la misère. Le travail dans le bois, les vignes, l'accident. Rosa, ton arrière-grand-mère, avait d'abord connu une enfance choyée, jusqu'à la mort de sa mère, la faute du docteur, disait-elle, puis celle de son père. Elle n'avait que 15 ans, éleva dignement ses frères et ses sœurs, supporta tout le poids du travail, avant d'épouser ton arrière-grand-père, tu viens aussi d'une obade cacophonique avec mandoline et fausse note. Quand elle commença à perdre la vue, elle refusa le docteur. Je les revois tous deux dans cette coque de noix de l'avenue d'Annecy, au bout de leur naufrage. J'entends encore la dernière chanson et ta mère se souvient des soirées auprès d'eux. Tu viens de leur amour. Roland, ton arrière-grand-père italien, avait choisi l'exil pour fuir la pauvreté, les vieilles haines, carcasses de poissons pourrissants sur les berges du lac de Trasimène. Dans son français invraisemblable, il racontait encore, il n'y a pas si longtemps, son tout premier baiser à grand-mamie Fernande. La fillette, 10 ans, gardait ses cochons blancs dans la verte campagne aux parfums affligeants. Il est venu la embrasser. Elle l'a regardé, puis, sans hésiter, l'a chassé d'une volée de pierres. Que ce paysan pauvre ait pu finalement gagner la main de la fille des pêcheurs n'est que le premier geste d'une longue série de ces gestes par lesquels on parvient à fléchir le destin. Dans le nouveau pays, l'attendait la misère, l'humiliation, la nostalgie, 50 années plus tard, chez nous, en Italie. Dans le pays nouveau l'attendaient ceux qui aident, ceux qui exploitent, tant de luttes pour conquérir le confort matériel et permettre plus tard que s'épanouissent enfin les enfants, les petits-enfants, et ces arrière-petits-enfants qu'on serre dans ses bras sans en croire ses yeux. Sur son lit de mort, ma grand-mère trouve encore la force d'évoquer son premier vrai lit, dans lequel elle avait tout bonnement pissé de contentement. Dans la chambre mortuaire où gisait son mari, elle disait qu'il l'avait gagné quand même, ce combat de leur vie. Tu viens de leur courage. Et tu viens d'où je viens, d'une histoire d'enfant apeuré, trahi, meurtri. On ne peut en dire plus. Mais tu la vois, à 11 ans, rentrer à l'internat en traînant son broc blanc. Tu la vois dans les miroirs du livre. Tu l'entends quand je parle. Elle gardera toute sa vie, comme une force et une blessure, cette sensibilité, dit-on, qui fait pleurer quand les autres rient de la bête qu'on torture, qui fait crier, et c'est drôle, quand l'imprévu surgit sous forme d'araignée, qui fait s'indigner des paroles ignobles, qui fait d'instinct se ranger du côté des parias, qui ouvre grand les portes du poème et du cœur. Elle est de cette famille magnifique et lamentable des nerveux, qui sont le sel de la terre, à fleur de peau, la vie à vif, elle gardera toujours cette nervosité que la tendresse de ton grand-père apaisera, sans jamais l'amollir. Cette nervosité à ton père transmise et qui vibre à présent comme un tremblement de la main, comme un flux souterrain tout au long de ces lignes que j'écris pour te dire d'où tu viens. Tu viens de mots rentrés, de rancœur, d'humiliation, de tristesse dépassée peu à peu par le courage, la beauté et l'amour qu'on ose enfin suivre, qu'on ose enfin laisser parler. Tu viens de l'île qui émerge au bout du naufrage. Tu viens du miracle des rencontres, d'un espace gagné sur l'exil, sur les mots « tu », sur les mots « durs ». Tu viens de la forêt profonde qui nous entoure et nous comprend, de ces montagnes que tu ne connais pas encore, de ces montagnes que tu ne connais pas encore et qui te porteront. Tu viens de l'au-delà du peuple et de la vaste peine. Tu viens du grand amour qui a donné sa forme au monde chaotique. Eros et Thanatos, Uranos et Chronos penchés sur ton berceau. Tu viens fragile et nu, offert au temps non pas en sacrifice, mais en geste d'amour et gage de confiance. Où tu vas? D'où tu viens? De l'amour vers l'amour, emporté par l'amour qui seul brise le cercle des malédictions perpétuées. Tu viens de cet amour infini pour trouver à ton tour, jeune lion rugissant, le chemin de ta liberté et transmettre la force de l'amour qui nous emporte et nous relie. Ils viennent d'un autre âge, du temps décomposé d'une descente lente, où ils risquent leur vie. Plus lentement encore, ils remontent, vers la clarté dorée que filtrent les feuillages, avec cette frayeur qu'on ne peut percevoir que dans l'étirement des bras démesurés, quand on vient tout près d'eux et qu'ils questionnent du regard notre déconcertante humanité. Par peur de leurs trois griffes pourtant inoffensives, par confusion avec leur cousin à deux griffes qu'on prétend dangereux, le chasseur, en passant, tranche à coups de machette leurs bras démesurés et les laisse gisants. Les voici près de moi, ces deux paresseux débusqués, vulnérables, la mère, tendue vers la prochaine branche, impuissante à hâter le rythme de la fuite, et l'enfant, dans la chaleur du poil agrippé à son ventre, en un geste éperdu, face claire, museau sombre, esquissant un sourire, il cligne des yeux et, comme au ralenti, tourne la tête vers l'homme qui les regarde, bouleversé de lire d'évidence au miroir animal quelque chose de son humanité, de la bonté, de la fragilité, de l'affolement nié, car dire dans un regard qu'ils n'ont pas de défense est leur seule défense, de peu de poids face au puma, au chasseur. Puis la mère et l'enfant, en un ultime effort, se hissent et disparaissent dans la clarté dorée que filtrent les feuillages. On range, on reprise, on s'affaire, On arpente la grève, on engrange de pleines moissons d'images. On suit le chemin par mille générations tracées, le vieux chemin si banal, qu'on est pourtant seul à suivre, car jamais personne n'a vu l'arbre que je vois au moment où je le vois, car personne n'a attendu la naissance de cet enfant, et la mort pareillement, quelque part en embuscade, sera pour moi seul. On suit ce chemin sans retour, sans demi-tour, à l'unique sortie sans gloire et au sens unique, qui recèle cependant un sens caché que les sens parfois nous révèlent, et d'où monte une ferveur qui fait redresser la tête, réparer, ranger, s'affairer, et aller d'un pas plus vif le long de ce chemin neuf. La nuit glisse en silence sur la route des trempées, glisse sur la pente en silence, tout son assourdi, toute douleur atténuée. La nuit cerne un halo de lumière tamisé. On entend battre le cœur, ensemble on respire. La douleur délivre, la vie glisse, tremblante, fripée, misérable, un pauvre cri suivi d'un autre plus ample. Ensemble on respire, étourdi par l'effort, l'enfant aux paupières closes ne verra rien de la première chambre. Ce lieu, je vois ce lieu, ce chemin à flanc de montagne où passé, présent et futur se rejoignent et s'annulent. Je sens ce lieu de tout mon corps, je le parcours intuitivement, je le connais, comme on connaît son corps. Je devine derrière le col, la nuque droite du trélo, l'épaule nue du petit son, le ventre rond de Valpelouse. Comment ai-je pu m'éloigner de ce lieu? C'est ici qu'il faut être, ici qu'il fallait revenir après 7 années de patience, de moiteur, de lenteur, d'égarement, pour qu'à nouveau le vent des cimes dessine et ramène d'évidence en ce lieu d'évidence pour vivre à perte de vallée cette géographie incarnée. La forêt ici brumeuse comme la forêt là-bas. Du haut du pont, mon enfant jette des morceaux de bois et rit aux éclats. Il y aura toujours un enfant au bord de l'eau, occupé à jeter des bouts de bois. Toujours la mousse, les rochers, les ruines, le courant qui les arase. L'enfant bondit sur le tronc et prononce gravement « Je suis revenu !» Et me reviennent en pluie ces noms, ces visages de Kawina, Aywen et Liton. « Je suis revenu, mais tu étais déjà là et tu seras toujours là. Et cet arbre aussi, vieux être fourchu, que je reconnais, au détour de ce chemin sans chemin qui s'ouvre et se ferme. » Ces témoins de toutes nos métamorphoses, vieux êtres, vieux démons. Dans l'urgence, ce cri à Clément. Le bip d'une sonnerie, comme un signal d'alarme, le battement du cœur, qui va trop vite, qui va trop fort, comme le moulin de la chanson. Inspire, expire, tu souffles, tu souffres. Tu te rapproches, tu entends les pleurs d'enfants au loin qui t'appellent. Tu viens vers nous, de ce gouffre que tu remontes en rejouant Orphée, ne te retourne pas. Voilà, cela va si vite maintenant, tu ouvres tes poumons, déplies ton premier cri. Je te prends dans mes bras, 1h23, tes cris, tes premiers cris, tu es né et nommé. Je coupe ton cordon, tu es né cette nuit de printemps, attendu autant qu'on peut l'être. Sois le bienvenu. Au matin, ton grand frère prendra ta main de vieillard dans la sienne. Il te jouera de ce tambour à boules sifflantes qu'on appelle Damaru, et tu lui souriras. Tu es né cette nuit dans la douceur et la tendresse. Au même moment, pardonne-moi, le monde est plein de cris. C'est peut-être à cause de ces heures hors du temps, de la fatigue ou de l'usure. J'entends très bien les cris devant la porte vitrée de l'hôpital. Passe, tête baissée, une famille aux yeux rougis. J'entends très bien leurs cris. Les passants dans la rue serrent en eux ce cri-là. Tous finissent par crier. Sous chaque pierre, des cris d'insectes, sur la terre comme au ciel et en mer, des cris de bêtes qu'on met en pièces, le cri des viandes déchirées, le dernier cri du grand-père suicidé, le cri pétrifié de l'enfant enseveli dans les décombres du massacre. Qu'est-ce qui pourrait rendre seulement tolérable la mort de cet enfant qui était comme toi? La rumeur des guerres, la plainte des pauvres gens, ce cri continu qu'on entend. C'est un printemps étrange, nuages noirs, pluie coupante, feuilles brûlées par le gel. En serrant la mâchoire, on apprivoise les mots barbares du lexique médical, et la voix claire au téléphone s'avoue un petit peu contrariée. On convoque les souvenirs heureux, on parle de l'été, des travaux, du passé. On crie en silence, avec retenue, dignement, ou pas comme ici où l'on se laisse aller, tu vois, à crier sans pudeur. La souffrance ce soir est superbe, j'écris très vite et sans relire, pendant que reverdit le jardin. Je regarde sans ciller la souffrance du printemps. J'écoute crier le printemps. Puis l'enfant me rejoint et prononce une parole d'amour. Et comme il réclame d'autres mots différents sur la page, je rajoute cela. Au cœur de la souffrance, la beauté et l'amour comme une débâcle lavent tout, justifient tout, emportent tout. Ils sont la verse printanière, le chant de la terre, le cri le plus ample, le chant. Pardonne-moi cet accueil en mineur. J'aurais voulu un air plus triomphant. Tu ne seras pas l'enfant de l'insouciance, mais celui de la clémence. Toi qui viens dans un monde conscient de sa limite, et chaque jour plus inquiet, puisse la vie t'être clémente. Puisses-tu incarner à ton tour la douceur que le monde nous réclame, devant tant de tristesse et de joie. Pardonne-moi, j'accepte tout, je donne tout, mes souvenirs, mes larmes, mais je t'aime, je vous aime, je te veux, je vous voudrais heureux, dans l'urgence, ce cri. La soumission. J'obéis à quelque chose qui sans cesse, mais de façon discontinue, tantôt me dirige, tantôt me commande. Quand cela dirige, je discute. Quand cela commande, je me soumets. Marina Tsvetaïeva. Je suis assis à mon bureau, le torse nu, tel une sorte de fakir. Papier froissé de rouge queue, tic-tac de l'horloge, silence. Entre l'aigle et la page, le fil invisible d'une araignée céleste. La maison, vue depuis les crêtes, un point minuscule. Papier froissé, sur le poirier, dans la corbeille. Au faîte de l'arbre, le rouge queue n'ignore plus que nous sommes voisins. Finalement, il n'a rien d'autre à faire que de lisser sa plume en entonnant un air brouillon, papier froissé. Parler sans parler. Écrire sans écrire, voir sans regarder, être là, intensément, désespérément là, un rien rayonnant, un petit rien du tout résonnant, un petit rien du grand tout raturant, se biffant, éclatant, se dissolvant dans l'aigle et le ciel. Froisse, plie et déplie, délire, déploie, entre dans la danse sans danseur, le spectacle sans spectateur, le voyage sans voyageur, ô pays sans nom. Allant et venant, allant et venant. Des années durant, et discuter, discuter, tenter de biaiser avec ce beau désir de dire. Au miroir du poète, la peur a volé en éclats, laissant apparaître le diamant de mon désir. Dès lors, je ne puis qu'assumer au mieux, et plume à la main, mon écrivanité. J'écris, comme le chat ronronne quand il a mal ou quand il est content. J'écris sous la dictée, vite et sans effort, à l'écoute de ce qui est moi, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est plus vaste, de ce qui est. J'écris, je ne crains plus d'être interrompu, car l'écriture n'est plus mon théâtre, et si elle le redevient, l'interruption jette bas le masque. Si le monde ou l'enfant rouvre ma porte, qu'il soit le bienvenu. Comme l'oiseau, même posé, reste un oiseau, l'écriture, hors l'envol du moment où j'écris, et ma demeure. Habiter, c'est sur cette page, voir comme tout vibre, comme tout est mouvant, comme tout mouvement de lui-même se libère, comme dansent les signes. Tout ici s'embrase et consume le charbon des mots. Cerné par la nuit, la pièce où j'écris flamboie, visible des crêtes. cette pièce, ce crâne, cette page, tout brûle. Gloire à la flamme et à ses porteurs, puissais-je brûler aussi en elle, puissais-je la porter vaillamment, et puissais-je en réchauffer à mon tour mes compagnons, les passants, les vivants, les migrants, mes chers, mes inconnus, mes disparus, rassemblés ce soir en cercle bienveillant autour de cette pièce. Gloire à nous! Et l'on avance ainsi, sans nul chemin, ça s'ouvre et se ferme, c'est le chant, le cœur battant, la sève et le sang, le verbe et la vie, réunis. Plus de forme qui enferme, plus rien à semer ni à discuter. Puis ce sentiment même, comme un limon, se dépose, et c'est sans amertume que les textes s'arrêtent, ne laissant à l'aube que la certitude d'une vie réconciliée dans la soumission. Écrire, c'est se soumettre à ce qui est, rester fidèle à cet élan de ce qui est vers ce qui est. Prosternation plutôt que protestation. Je suis assis à mon bureau, le torse nu, tel une sorte de fakir. C'est ici que le voyage commence et s'achève. À main gauche, le jaune de l'automne, une nature morte. Puis le bleu hivernal qui met l'homme en retrait, une estampe. Au centre, le rouge du printemps, champ d'amour à quatre bras. À droite, le vert de l'été, cadre vert au nénuphar. Toutes les couleurs se mélangent dans le noir et blanc de l'écriture. Je peux maintenant m'en aller tranquille, disparaître dans la marge, laisser l'histoire se finir, laisser s'éteindre les flammes du dernier feu.